بسم الله الرحمن الرحيم. فأمس أخذنا المحاذير les méfaits dans lesquels sont tombés les tawaïf qu'on a cités auparavant. Parmi ces mahadhir, il y avait mukhalifat tariqat salaf, ta'til al-nusus, wa tahrif ila ma'ani ghayr al-muradati biha, wa ta'til Allah an sifat al-kamal, wa tanaqud, qui se contredisent, ghayr dhalika. Après, le shir a cité que tout cela apparaît avec deux asl et deux misal et une conclusion. Hier, on a pris les deux asl. Tazkur mahuma. Le call, c'est de dire que le kalam dans certaines sifat, c'est le même dans d'autres. Non. Wathani. Non, en fait, la réalité de ce offre, c'est que le kalam dans Zat, c'est le même kalam que dans le Sifat. Le kalam dans le Sifat, c'est le même que dans Zat pour pouvoir répondre à ceux qui ont voulu différencier entre les deux. Qui reconnaissent le Zat, différent de ceux de la créature, mais qui ne veulent pas attribuer le Sifat, ou les Zalik. Et l'homme, c'est la rouge des Misalayn. Hier, on a pris les Aslayn, et l'homme, c'est la rouge des Misalayn, inshallah. Deux exemples. Pour montrer que les choses, même si les noms sont communs, cela n'inclut pas une ressemblance. Que des choses ne peuvent être conçues par notre raison. قال اما المثالان فاحدهما نعيم الجنه. Donc, premier c'est le jannah. قال فقد اخبر الله تعالى ان في الجنه طعاما وشرابا ولباسا وزوجات ومساكن ونخله ورمانا وفاكهة ولحمة وخمرا ولبنا وعسلا وماء وحلية وذهب ولؤلؤ وفضة وغير ذلك وكله حق على حقيقته وهو الاسم موافق لما في الدنيا من حيث المعنى لكنه مخالف له في الحقيقة. Dans le Jannah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a informé qu'il y a de la nourriture, de la boisson, des vêtements, des femmes, des mers, des palmiers, des fruits, de la viande, du pain, du lait, du miel, de l'eau, des bijoux, des perles, de l'or, de l'argent. Et tout cela, quand même, a un sens que l'on connaît, réel. On connaît le sens de ces mots-là. Donc le ism, le nom, est en concordance avec ce qu'on connaît. Cependant, هذا dans le Jannah, ce n'est pas comme nous on le conçoit. Les noms on les connaît, on a compris le sens, mais le kayfiyya on ne la connaît pas. أما موافقته لما في الدنيا في المعنى فلأن الله تعالى قد قال عن القرآن إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ولولا موافقته في المعنى Donc le fait que nous on comprend le sens, la preuve c'est que dans le Coran, Allah il dit, dans le sens où il dit que nous avons certes fait un Coran en arabe, afin que vous puissiez raisonner, comprendre. Donc là, ce que Allah dans le Coran nous dit, c'est pour qu'on le comprenne. وَمَّا مُخَالَفَتُهُ لَهُ فِي الْحَقِيقَةِ فَلِكُلِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا أَن تَعْلَمُوا نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ كُرَّةٌ أَعْيُونٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Enfin, notre verset, c'était l'ornement, verset 3. Et donc maintenant, le fait que le sens, dans sa réalité, on ne l'a pas cerné, c'est-à-dire la kayfiyya, on n'a pas cerné des choses qui sont dans le Jannah, Allah dans le sens où il dit, et qu'aucune âme ne sait ce qui lui a été préparé comme réjouissance, en rétribution de ce que l'aura accompli. Surat al-Sajda, verset 17. Wa qulu fil hadith al-qudsi a'adtu li 'ibadi as-salihin ma la 'ayn ra'at wa la udhun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Le hadith muttafaqun alayhi. Qu'il est dit, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un hadith Qudsi, que j'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce que aucun œil n'a jamais vu, ni oreille n'a entendu, et ce qui n'est jamais venu à l'esprit. Selon Ibn Abbas, radiallahu anhuma, قال ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء كما جاء عند ابن جرير الطبري في تفسيره qu'il est dit رضي الله عنه qu'il n'y a dans cette dunya il n'y a dans cette dunya présent dans le jannah si ce n'est les noms sur les mêmes nominations donc comme l'a dit l'imam Malik nous le sens on le connaît le kefiyah on l'ignore, on doit y croire et on n'a pas demandé comment. فإذا كانت هذه الأسماء دالة على مسمياتها حقيقة وكان اتفاقها مع ما في الدنيا من الأسماء لا يستلزم اتفاق المسميات في الحقيقة بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله فإن مبينة الخالق للمخلوق أعظم وأظهر من مبينة المخلوق للمخلوق. Donc là, il dit justement que si ces noms qu'on a connus, comme le lahm, la viande, le miel, l'eau, les aliments qui sont au Jannah, on a connu le sens, cela n'inclut pas, justement, comme on l'a expliqué, une ressemblance avec ce que l'on connaît en cette dunya, et qu'il y a une différence entre les deux que seul Allah connaît. Alors, la différence qu'il y aura dans les noms et attributs yani communément yani donné à la créature sont encore plus en droit d'être méconnus auprès de nous, la kefiya, entre Allah et la création. Chose qu'on a déjà cité auparavant. قال لأن التباين بين المخلوقات تباين بين المخلوق ومخلوقه مثله إذا ظهر التباين بينها كان بينها وبين الخالق أظهر وأولى. Donc la différence, si jamais elle nous est apparente entre les créations, entre les créatures elles-mêmes, dans les différences d'attributs et de nominations. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, lui, c'est encore plus évident. La différence est encore plus évidente. قال وقد انقسم الناس في هذا المقام مقام الإيمان بالله واليوم الآخر إلى ثلاث فرق. Les gens, dans ce sujet-là, qui est le sujet de la foi en Allah et au jour dernier, sont de trois catégories, comme le Cheikh le cite. الفرقة الأولى السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر وأنه حق على حقيقته مع اعتقادهم التباين بين ما في الدنيا وما في الآخرة. Donc le premier groupe de personnes, ce sont les salafs, les imams et ceux qu'ils ont suivis, qui ont cru en ce que Allah a informé à propos de lui-même au jour dernier, et que c'est une chose réelle. D'accord, une chose réelle, tout en ayant pour croyance que cela diffère de ce qui est en cette dunya. Ce qui est dans l'akhira diffère de ce qui est dans la dunya. وَإِنَّ الْتَبَايُنَ بَيْنَ الْخَالِقِ وَالْمَخْلُوقِ أَوْلَى وَأَعْظَمُ وَأَبْيَنُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ وَالْبَصِيرُ. Donc il dit alors que la différence entre le créateur et la créature est encore plus évidente et encore plus grande. Comme le prend le verset, dans le sens où Allah dit, il n'y a rien qui est comme lui, et il est le Samir al-Basir. Donc ça, c'est le premier groupe. Les salafs, les gens qui sont sur le haq. Et les gens du juste milieu. Al-firqatu thaniya, tawa'if min ahl al-kalam, yu'minuna bima akhbarallahu bihi, an al-yawm al-akhir, min al-thawab wal-iqab, wa yunfuna akathiran bima akhbarallahu bihi, an nafsihi, min al-sifat. Deuxième groupe, ce sont les gens du kalam. C'est, on peut les attribuer aux falasifa, mais c'est une autre forme. Eux, ils croient ce que Allah a informé à propos du jour dernier, comme récompense, comme châtiment. Cependant, ils renient beaucoup de ce que Allah a informé à propos de lui-même dans ce sifat. D'accord ? Là, c'est Al-Kalam. Al-Firqatu Thalitha, Al-Karamita, Al-Batiniya, Al-Falasifa. La yu'minuna bima akhbarallahu bihi an nafsihi, wa la an al-yawm al-akhir, bal yunkiruna haqa'iq hadha wa hadha. Donc le troisième groupe, ce sont les karamita, les batiniya et les philosophes, falasifa, qui ne croient ni en ce que Allah a informé à propos de lui-même, ni en ce qu'il a informé à propos du jour dernier. Et ils renient la réalité de ceci et de cela. Ils rejettent. فمذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخيل لا حقيقة له. Qui disent que ce que Allah SWT a informé à propos de lui-même, cela n'est que des choses fictives, c'est de la fiction, et non pas de réalité. Et là, ils visent les Batiniyah. Les Batiniyah, comme nous cite par la suite, on dit directement, c'est que parmi un mazhab, ils disent que les choses apparentes ont un sens caché. Ça, ils s'appellent Batiniyah. Les choses que tu vois en apparence dans le Coran ou quoi, ils ont un sens caché. Un ta'wil caché. Les salawat, c'est le fait d'exprimer les secrets. Le jeûne, c'est le fait de cacher les secrets. Le fait d'aller au hajj, c'est d'aller visiter les chouyours. Rien n'est à l'écart. Et ils sont parmi ceux qui ont dit que les chalayr de l'islam, c'est pour les gens de la masse. Amal et khawas, les gens qui ont un haut niveau, eux, ils n'en ont pas besoin. D'accord, ils n'en ont pas besoin. Ils peuvent enfreindre. Ils peuvent transgresser s'ils le veulent. Il n'y a rien sur eux quand ils sont vers un stade très haut. Par contre, tout ce qui est ittiba, kitab wa sunna, ça c'est pour les amma. Et ce mazhab-là, on le trouve chez les gens, chez les soufis aujourd'hui. Elle est à Sawouf. Chez les soufis, tu trouves cela aujourd'hui. Qu'ils ont mis les gens, khawas al-khawas, khawas ou al-amma. Qu'ils disent que celui qui atteint le yaqin, pour eux c'est un niveau de iman très haut. Il n'a plus besoin de faire la salawat, ni de faire le hajj, ni de faire siyam, il peut faire zina, boire de l'alcool. Ça devient un gros farsik, un gros kafir, et les gens le prennent comme un wali. Et ça, on en a parlé dans les kutub de Tawhid. Donc les soufis ont pris des batiniyas, ce madhab-là. قَالَ وَهَوْلَ الْبَاطِنِيَا هُمْ الْمَلَاحِدَ الَّذِينَ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ لَأَنَّهُمْ أَكْفَرْ مِنَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى لِعُظْمِ إِلْحَادِهِمْ وَمُخَالَفَتِهِمْ لِجَمِيعِ الشَّرَائِعِ الْإِلَهِيَة. Donc ces Batiniyah, qui eux sont des mécréants, ceux sur lesquels il y a unanimité des muslimines, qui sont encore plus mécréants que les Yahoud et les Nasara, pour l'immensité de leur incrédulité, non. Et de leur opposition au Sharaïr. Au Sharaïr divine. À la législation divine. Donc ça, c'est le premier exemple qu'il a cité, qui est Al-Jannah. Que dans le Jannah, des choses ont été nommées, et les nominations sont les mêmes que en cette dunya. Cependant, d'autres adilés nous montrent bien que ce qu'il y a dans le Jannah, c'est ce que aucun œil n'a jamais vu, et ce que Nouraï n'a jamais entendu. Donc c'est-à-dire c'est différent. Mais le sens des mots, on les connaît. Mais la kéfiyah, on ne la connaît pas. Al-Misal al-Thani, deuxième exemple. Al-Ruh. التي بها الحياة وهي أقرب شيء إلى الإنسان بل هي قوام الإنسان. Donc deuxième exemple, il va parler de quoi là? De l'âme, la ruh, le souffle de vie qui est en nous, qui est la chose qui est la plus proche de nous, voire même la chose sur laquelle se base notre vie. وقد وصفت في النصوص بأنها تقبض من البدن ويصعد بها إلى السماء وتعاد إلى البدن. وَلَا يُنْكِرُ أَحَدٌ وُجُودَهَا حَقِكَةً. Donc là, elle a été décrite comment? Dans les textes religieux authentiques, qu'elle est saisie, l'âme sera saisie, et qu'elle sera élevée au ciel. Lorsque l'homme, la personne meurt, son âme, elle est montée au ciel. Après, elle redescend. Puis le cobre, elle sera ramée dans le corps, dans la tombe. Et que personne ne nie sa présence, à part certains athées. Et il y a quand même les athées, l'âme, ils en parlent. Le souffle de vie, on parle, le souffle de vie qui est présent chez l'homme. Après, on le console de façon différente, mais tout le monde est d'accord que l'homme, il a un souffle de vie en lui. Ce qu'on appelle la vie. D'accord ? وَقَدْ عَجَزَ النَّاسُ عَنْ إِدْرَاكِ كُنِّهِهَا وَحَقِكَتِهَا إِلَّمَا عَلِمُوا عَنْ تَلِيكَ الْوَحِي وَاتَّرَّبُوا فِيهَا اتِّرَابًا كَثِيرًا لِكُنِّهَا لَا يُشَاهِدُونَ لَهَا نَظِيرًا. Et que les gens ont été incapables de pouvoir la cerner. De cerner son essence et sa réalité. Hormis ce qu'ils ont su par la voie de la révélation. Et ils sont tombés dans maintes confusions du fait qu'ils n'ont jamais vu d'équivalent à l'âme. Ils ne savent pas comment elle est. C'est une chose qui est inconcevable pour eux. Pourtant, elle est en eux. Tout le temps, elle est avec eux. Et même, on voit les gens vivant devant nous tous les jours. فَمِنْهُمْ تَوَائِفْ مِنَ الْكَلَمْ جَعَلُهَا الْبَدَنْ أو أجزاء منه أو صفة من صفاته. Et parmi eux, il y a des gens du kalam, ils en ont fait, ils ont dit que l'âme c'est un corps, ou une partie du corps, ou un attribut parmi les attributs du corps. Et leur kalam n'est basé sur rien du tout. ومنهم طوائف من أهل الفلسفة وصفوها بأمور لا يتصف بها إلا مبتنع الوجود. Et parmi eux, les falasifa, les philosophes, qui l'ont décrite d'une façon incohérente et impossible. Ils l'ont fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. La connaît-il de l'âme, qui elle est une création. Ils ont fait comme avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'elle est ni présente, ni absente, ni à l'intérieur, ni à l'extérieur. D'accord ? Ni elle ne bouge, ni elle est inerte, ni elle ne monte, ni elle ne descend, ni elle n'est un corps. Aya, Kutub. Ni rien du tout. Ni rien du tout. Ils l'ont décrit d'une façon et a dit que même la raison ne peut cerner. C'est-à-dire même les choses qu'on pourrait attribuer à l'âme, comme c'est venu, qu'elle sera élevée, qu'elle sera redite, ils ont tout renié. Ils ont tout renié. Donc on a déjà expliqué, comme ils l'ont fait par Allah subhanahu wa ta'ala, que le fait de renier deux opposés, ce n'est pas possible. Comme ils disaient, elle est présente et absente. Ou elle est ni présente ni absente. Ce n'est pas possible. D'accord, ce n'est pas possible. Réalisez-vous, les cas. قال واعلم ان اضطراب المتكلمين والفلاسفه في روح كثير ولو سببا. Donc leur confusion là-dedans dans ce sujet-là des mutakallimoun et des falasifa, des philosophes et autres sont très nombreux, il y a deux causes principales. احدهما قله بدعتهم مما جاء به الوحي في صفاتها. En fait, ils ont peu de connaissances dans ce que la révélation a apporté à propos de ses attributs. Ils ne connaissent pas grand-chose. والثاني انهم لا يشاهدون لها نظيرا فان الروح ليست من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها. Et également la deuxième cause, c'est qu'ils n'ont jamais vu d'équivalent à cette âme, car cette âme est d'une nature différente de celle de nos corps ou de ses composants. Elle est d'une autre nature, une nature qui pour nous est sans égal. On l'a jamais vu. Certains ont attribué des attributs qui ne sont pas les siens et d'autres ont tout annulé. Les mutakallimoun, ils ont fait du tamthil et les falasifés, ils ont fait du ta'til. Qala wa qad sahha 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam anna ar-ruh idha qubidat ittaba'a al-basar comme dit le hadith muslim. Wa anna al-mala'ikata taj'aluha fi kafan wa tas'udu biha ila as-sama' wa ma hadha فالعقول قاصرة عن إدراك كنونها وحقيقتها كما قال تعالى وكما قال تعالى ويسألونك عن روح كل روح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Donc, le Nabi صلى الله عليه وسلم a déjà dit clairement que cette âme, lorsqu'elle est saisie du corps, la personne la suit du regard. D'ailleurs, tu vois souvent les gens quand ils meurent, quand on le trouve, ils ont les yeux vers le haut. Ils ont les yeux ouverts. Et les yeux virés vers le haut. Pourquoi ? Parce qu'ils ont regardé leur âme qui partait. Et que les malaïka la prennent, la mettent dans un linceul funéraire, un kefen, et ils montent avec aux cieux. Et malgré cela, les raisons elles sont réduites, elles sont limitées, de pouvoir cerner l'essence de cette âme et sa réalité. Comme Allah, dans le sens où il dit, il t'interroge à propos du ruh, du souffle de vie, dit, le souffle de vie, parmi les choses de notre Seigneur, et vous n'avez cependant reçu que peu de science. Adal al-Jawab kafi, réponse suffisante, que le ruh s'en vient à Allah et vous n'avez pas assez de science. Et ça c'est surat, voyage nocturne, verset 85. Donc le khulasa, si jamais ce souffle de vie, cette âme qui est présente réellement, il ne nous est pas possible de le cerner. Sa réalité et son comment, et réaliser qu'il y a une création qui est en nous tout le temps. Même du jour où l'ange est venu souffler cette âme de vie en nous, jusqu'au jour où nous allons mourir, même dans notre cobre, cette âme sera avec nous. Et dans le barzakh, la vie qui aura, c'est la vie de notre âme. Tout cela, on n'arrive pas à la concevoir, à la cerner. Qui est-il? Alors, c'est une créature. Qu'en est-il du créateur? Qu'en est-il du créateur? Et que les gens étaient incapables de pouvoir décrire cette âme-là. Donc cela, normalement, cette raison que tu as en toi, te fait comprendre, je n'ai pu concevoir cette âme qu'une créature, comment vais-je me permettre d'essayer de concevoir le créateur, celui qui l'a fait, cette âme. Et des âmes, à un nombre, pour nous, un indénombrable, depuis le début de la création de l'homme jusqu'à, d'accord, jusqu'à la fin du monde. Et le souffle de vie est présent même chez les animaux, chez les malaïka, chez les djinns, réazalika. Donc là, c'était les deux exemples qu'il a pris pour montrer aux gens que le tamthil, il est batil. Tu ne peux faire un tamthil. Et le tartil kazik, il est batil. Alayka bi al-wasat, le juste milieu. Et les gens du juste milieu, c'est les salaf. Donc toi, tu dois les suivre en cela. Tamam ? Voilà. Après, il va faire une khatima, une conclusion, en donnant différentes kawa'id. Et on prendra, inshallah, qa'ida, qa'ida. Ma ba'd. مفهوم هذا الدرس طيب فإلى هنا والحمد لله رب العالمين